like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born takes. They try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Exclu mondial, puisqu'il s'agit d'un titre, un vieux titre de 69, utilisé dans le prochain film de Wes Anderson, qui s'appelle The Darjeeling Limited, qui se passe entièrement en Inde, à part le début qui se passe à Paris. C'est pour ça qu'on a écouté un petit peu de son français chez cet Américain. Un peu d'accordéon pour finir. Maintenant, des petits dialogues. Ainsi, pour Jules, leur amour entrait dans le relatif, tandis que le sien à lui était absolu. Le lendemain matin, Jim quitta la maison. Catherine voulut une fois de plus l'accompagner jusqu'à la gare. Dans la nuit, le brouillard avait envahi la prairie. Le reste de la ruche, qui n'était pas au courant, sentit confusément que Jim n'était pas d'accord avec leur reine. Son départ était donc normal. Michel Legrand, le Frenchie pour des Américains, un film avec Don Johnson. Et j'ai juste envie de dire un big up à Maman Borès. Hein. My step on the stair, the door knows my hand on the knob, the walls know the whites of my eyes, but nobody knows the sound of my voice. The wind knows its way through my head, the streets meet the heels of my shoes, the rain rides the curve of my cheek, but nobody knows the sound of my voice. In the halls of night, in the caves of day, on the map of time, it's all a dot, a grain, a speck, a chip, a wave breaks, but nobody sees the earth. Le film s'appelle The Magic Garden of Stanley Sweetheart, et Stanley Sweetheart n'est d'autre que Don Johnson. C'était en 71, donc bien avant qu'il devienne un des Miami Vice. Le roi du vice, bien sûr. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai rien à dire. Est-ce qu'on était bien avec ça, Jojo? Ah, moi j'ai adoré ça. Ah, moi j'ai adoré. Ah, mais c'est une petite balade. Bah ouais, c'est Michel Legrand qui a composé ça en 71 pour les Américains. Merci Michel. Merci Michel. C'était le grand Michel. Et j'ai envie de dire le grand Michel. Ah, attention, il y a une incursion de Guigui qui va dire quelque chose. Oui, Michel Borès. B-A-U-R-E-Z. Il est con. Voilà, donc c'était Michel Legrand. Le grand Michel. Mais Michel Borès est très grand aussi. Ouais, bien sûr. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas faite, et qu'il n'aurait pas faite, il n'avait pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'il la voulait. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Alors il ne se passe jamais plus rien. Si. Parce qu'il y aura toujours des fous. Thank you. vous inquiétez pas, hein, ça va monter en puissance tout ça. Hein. Vous vous dites putain, qu'est-ce que c'est chiant cette radio, on est mieux sur FIP. Attends, mais non. Con, quoi, j'ai reçu un texto de ma maman qui me dit super. Ah oui, et en plus, d'accord. J'écris un texto pour ma maman, c'est. Tu vois, c'est un grand moment. Alors là, tu veux dire que ça va augmenter, c'est magnifique. Oui, c'est vrai. Les gens sont en transe derrière leur radio. Les gens tapent du pied, sont. Laisse plutôt parler cette voix magnifique qui est à James. D'accord. Thomas. Ah, ils peuvent y aller hein, parce qu'après ça va être un peu hip-hop et tout. Donc, ouais, si alors, faire l'amour, c'est maintenant. Vous avez encore une minute pour faire l'amour sur les Troublemakers. C'était Get Misunderstood des Troublemakers. Bon, deux, trois choses à dire. Hein. La voix de Jean-Pierre Léo au tout début du morceau. Parle bien devant le micro parce que les gens t'entendent pas très bien sinon. La voix de Jean-Pierre Léo au tout début du morceau. Les violons de John Barry. Ouais. Et la voix de Miss Etta James de Magnificent Boys. Ouais. Got a heart like a rock cast in. Après un truc un peu plus trendy, un peu plus parisien, parisianiste, anti-pop versus Asia Argento. Ah, Asia Argento, il y a des gens qui aiment pas trop Asia Argento. Ouais, mais moi j'aime bien, je l'avoue, j'aime Asia Argento. Et surtout j'aime parce que c'est la fille. Parce que c'est la fille du grand Dario, ça, on est bien d'accord. Ouais. On écoutera un peu de. Mais de mauvaise Gobelin comédienne ou bonne comédienne ? Bonne comédienne. Un peu surestimée. Mauvaise DJ. Très mauvaise, hein, je précise. Voilà. Mais écoutez, appréciez-la en tant que chanteuse, on verra bien. Surtout, c'est sur un film qui va bientôt sortir qui s'appelle 24 mesures. Le premier film du comédien Jalil Lespère, une petite merveille. On m'a dit de prendre cette voix-là quand je parle à la radio. Sur ma radio et vous écoutez. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma? L'émission du Mato. Alors dans 20 secondes, ça va tabasser avec Cool Nuts, la bande originale de Paranoid Park, qui viennent de Portland, Oregon, la ville natale de Gus Van Sant. Le film est actuellement sur les écrans. Allez-y quoi, écoutez ce bon hip-hop. Yo, say for the town, platinum bound. Originate this with my platinum sound. Slinky half naked in a silk nightgown. Put them on the glass like Doodle Brown. Like a pack of now and laters, we devour y'all haters. Full time in the game, can't fuck with spectators. I bump in the club, it's crunk like that. Amps, gorillas in the trunk like that. Five gate, y'all wait, beat the block. Outside the club, we can pimp the lot. With Cuervo tequila, salt and sip shots. Some snort blow, drink more when hydro. My fetish for bread, shrill, I love dough. Check out my record, no Juan Blow. Pitbull bloodline, best in the show. You can feel the shit throb up in the front row. Strobe lights, get them that's tight. You look right, you the bomb in here. I heard that. In the same skin print, tight like the glitch is going on in here. I heard that. You look white, you the bomb in here. I heard that. In the snake skin print, tight like the glitch is going on in here. I heard that. In flames, spit harsh game from mainframe. Post in the paint, bomb work and get brain. We keep the block hot, have you heard Lil Wayne? Who nuts Calhoun and I bring major pain. You can ride in the stuff field, slump in major rumbale. Torch the scene like Molotov cocktail. On the block, hot shells, thug rap sales. I rock the streets and correctional cells. To all my slum cats that love these slum raps. From ashy to classy, bad girls to hood rats. To all my thug cats, street shits and gun claps. On the dope track, my grind does that slum crack. Band brawls on the turf with the Prada backpacks. The full Gucci suits and the knee-high boots. It's made for the streets, made murderous beats. Made to get nasty between the silk sheets. Strobe lights, get them that's tight. You look right, you the bomb in here. I heard that. In the same skin print, tight like the glitches going on in here. I heard that. Moi, ça, c'est une musique qui m'excite énormément. Ça me donne des frissons partout. Ça me fait penser à ma chérie. Prétentieux. Non, mais ça me fait penser à ma chérie, c'est vrai. Ah, moi aussi. Ouais, ma moi, princesse. Elle j'espère qu'elle m'écoute. Ouais, Elodie, ma princesse, si elle m'écoute. Je te kiffe. Ouais. Hey, toi, Elodie, moi, je veux pas dire son prénom. Je vais juste dire que c'est ma princesse. Allô, ça y est, garde le mystère. C'est mystérieux, j'aime bien. Ouais, c'est ma princesse. Bon, une petite dédicace aussi au The Magnificent, The Marvelous. The Incredible. One. Yeah. As the incredible Lois Reynal from Lior. Lior, yeah. Et on nous écoute. Represent, represent. On nous écoute à Dubaï, je sais. On nous écoute en Afrique du Sud, à New York. Et à la Yole surtout. Et à la Yole, on nous écoute un peu partout. Il faut éviter de gueuler, sinon ça fait des pics dans le rouge. C'est mon émission, je gueule si je veux. Hein. D'accord. You look white, you the bomb in here. I heard that. In the snake skin print, tight like the glitch is going on in here. I heard that. Strobe lights, get them that's tight. You look white, you the bomb in here. I heard that. Et juste après, c'est la meilleure galette que nous a donné la planète hip-hop dans les années 80. Et ça, c'était quoi ça? Parce qu'on va juste rappeler ce que c'était ça. C'était quoi déjà? Cool Nuts. Cool Nuts. De Portland, Oregon. Paranoid Park. Ouais, de Gus Van Sant, actuellement sur les écrans. Et après, j'ai même pas besoin de donner le nom du groupe ni le titre de la chanson. Le film, c'est Do the Rising. Ah, Spike Lee. 91, 89. 91. Oh oui, 91. Allez, on est déjà dans les années 89 là, non? Eh bien, si vous avez la date, envoyez-nous un mail. Sélection musique en un seul mot avec un C à la fin. C'est combat le pouvoir, hein, c'est Public Enemy qui disait ça, et bah, le pouvoir il est toujours à combattre. Hein. Allez. C'est dit que c'est à l'œil. Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Hey. Rappelez-vous le Ghetto Blaster, le gros black là dans Do The Right Thing. Putain, la tension montait, c'était l'été, il faisait super chaud à New York cet été-là. Monsieur Cinéma, El Kabash, Pierre Tchernia, tu vas te détendre ou quoi là? C'est interdit de fumer dans les lieux publics, je l'ai déjà dit quoi. Comme le disait Public Enemy, combat, combat, combat le pouvoir. Et moi je le combat. Coûte que coûte. Bon, juste après, un extrait du deuxième souffle, l'original, hein, pas celui qui vient de sortir, celui de Melville avec la plus grande charade du cinéma français. Parce que celui qui vient de sortir, on n'a pas du tout envie de le voir, si? Si, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça super bien, il faut y aller. Mais là, c'est Paul Meurice, le rôle retenu aujourd'hui par Michel Blanc. Ouais. Il arrive dans un bar, c'est le flic. Ouais. Il va faire les questions et les réponses, vous allez parle voir bien devant le micro parce qu'on t'entend moins bien. Mais non, mais c'est pour toi, il faut apprendre à parler dans un micro. J'en ai marre, je me casse. Oh. Bon, non, Paul Meurice, donc tu nous parlais de Paul Meurice. C'était bien, Jean-Pierre Melville, tout ça. Confondre avec Paul Meurice, hein, Thomas. Non, et surtout, et Morisset, le chanteur Morisset. Ah, vous comprendrez, laisse tourner. Check this out, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy got a... Approchez-vous, vous autres. Je n'appelle pas les clients, je suppose que ce soir, il n'y en avait pas. Messieurs, les reliefs des repas par petites tables que vous apercevez d'ici ne sont pas des signes de précipitation. Certains s'en allèrent au hors-d'œuvre, d'autres juste avant les entremets. Rien dans tout cela que de très normal. Disons que... La reine d'Angleterre faisait du stop avenue Kléber, ça valait le déplacement. Pour le reste, messieurs, voici Alban. Il n'a absolument rien vu quand l'accident est arrivé. Il était accroupi derrière le comptoir, il y chassait les mouches, et lorsqu'il releva la tête, les agresseurs, les vilains, enfin ceux qui sont entrés ici, on se demande encore pourquoi, avaient disparu. Alban serait parfaitement incapable de nous dire s'il s'agissait d'un homme seul ou d'une tribu de Touareg. Alban. C'est à peu près ça. Voilà. Voici Manouche. De mauvaises langues diront que Jacques le notaire avait un sentiment pour elle, mais où serait le rapport, je vous le demande. Manouche n'a rien vu. Elle était à la caisse, le nez sur une addition. Bien. Voici le second barman, Marcel le Stéphanois, si ma mémoire est bonne. Il a eu si peur en voyant entrer un homme à la mine patibulaire qu'il serait incapable de le reconnaître. Il a disparu derrière le comptoir, il en émerge à peine. C'est un craintif, Marcel. Il n'a rien vu, Marcel. Ah, ça alors. Je t'en prie, prends ton temps. Vous êtes formidable, c'est ce que je dois dire. On dirait que vous étiez là. Non, messieurs, je vous fais juge de la docilité, de la bonne foi des témoins. Ah. Je vous présente le voiturier, un homme honorable dont le nom m'échappe. Il a vu entrer des clients, mais il n'a rien entendu à cause du bruit intense de la circulation dans ce quartier. Bon, ça tchatche, avec les images, c'est mieux. Hein, je vous garantis qu'avec les images, c'est très, très, très sympa. Après, c'est une exclue. C'est aussi c'est le prochain film de Sean Penn qui s'appelle Into the Wild. C'est Eddie Vedder. Mais que d'exclus, que d'exclus ce soir. Moi, j'ai envie de dire, ce soir, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau. Tiens, allez, tu prends ces cadeaux. C'est papa, c'est cadeau. Donc, on a 15 secondes juste pour dire que c'est Eddie Vedder qui va chanter. On dirait Bruce Springsteen, mais c'est du Eddie Vedder, le mec de Pearl Jam. Hein. Ah oui, tu m'as fait écouter ça, c'était vachement bien, j'aime beaucoup. Le film s'appelle Into the Wild, c'est signé Sean Penn, ça sort à la rentrée. Et le titre s'appelle Society. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Vous êtes bien sur Radio Shalom. Courtoisie ce soir. Bienvenue à Radio Courtoisie. Vous êtes en direct sur ma radio avec l'émission de Du Matou. Maman, j'espère que tu m'écoutes. Hein. Oui, maman, écoute. Oui, Michel Borez, B-A-U-R-E-Z. Thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. Alors je parle, on m'a dit qu'il fallait parler un peu plus fort. C'est Michel Vedette hein, qui m'a dit ça par mail. Donc Michel, si tu m'écoutes, je vais essayer de bien parler distinctement et d'articuler. Voilà, Michel Vedette. Juste après, bon, ça va être un peu triste, c'est un peu une séparation, puisque c'est Michel Piccoli et Romy Schneider qui se séparent. Mais tout ça, c'est au cinéma. Hein, donc c'est juste sur Grand Écran. C'est au film de Klaus Sauté, Les choses de la vie, magnifique. Bon. On écoute la teutonne. La teutonne. Oh, la teutonne. Et tu m'as dit de pas être raciste. Oh là là, la teutonne. Oh, teuton, teuton, c'est amical. Et j'ai fermé ma chambre, le soleil. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Bon, on est d'accord d'une chose, c'est que Romy Schneider joue mieux qu'elle ne chante, mais c'est pas grave, on aime quand même Romy Schneider. Juste après, c'est une spéciale dédicace à Élodie, hein. Donc j'espère que tu écoutes mais bien qui, ça. Mais qui est Élodie ? Quelqu'un qui évolue du côté... Avec qui tu couches ? Non, quelqu'un qui évolue du côté de la rue de Picardie, rue de Bretagne, tu vois un petit elle peu... Elle est picarde ? Elle est picarde, hein. On appelle Hello la picarde. Hello la picarde. Et juste après, c'est une spéciale dédicace à toi, Élodie. Ouais. Ah oui, bébé. Si Hélène, c'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de... Est-ce qu'il nous fait chier ce morceau? Oui, hein. Oui, il nous fait chier. Michel Piccoli. Michel Piccoli. Et la teutonne, Romy Schneider. Et la teutonne. Arrête avec ce racisme latent. Anti-teuton? Anti-teuton. Est-ce qu'on aime les Allemands? Moi, je voudrais juste que vous fassiez une petite chanson, toi et ton frère, un petit freestyle. Maintenant, là? Anti-teuton, tétéon, un petit truc comme vous m'avez fait. Guillaume, on y va. Non, en fait, il reste 20 secondes. Est-ce qu'il faut le laisser? Ou ils font faire un freestyle en 20 secondes? Non. Mais bien sûr, non, mais tu peux arrêter ta musique, dis-moi. Alors, vas-y, mets une pause à cette musique. Mets une pause, Parle un peu plus fort. On va faire une petite pause. On va vous faire un freestyle. Attention, les Twins Brothers sont là. Oh yeah. Je me suis retrouvé dans un aéroport. Je ne savais pas comment. Oui, j'avais perdu le nord. Quand tout à coup, d'El Poupadani, je vis un écrito qui me disait bienvenue à Rio. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'étais surpris. Je ne savais pas comment j'allais rentrer à Paris. Évidemment, sur moi, je n'avais pas d'argent. J'étais donc condamné à faire le mendiant. Mais faire ça dans ma tête était impossible. Avec mon caractère, ce n'était pas compatible. Quand tout à coup, derrière moi, je vis un rasta. Et dans ma tête, une idée, j'ai à main. Je lui dis, hey mec, t'aurais pas de la sensei? Il m'a dit, désolé, je vends que du café. Je lui ai dit, good, bye bye bye. Bidi bidi dim, good, bye bye bye. Good, bye bye bye bye. El gringo, c'est sur ma radio. Dédicace à Jojo. Hey, c'était Ragasonic en direct sur ma radio. Hein. Merci. C'était Big Red et comment il s'appelait l'autre? On sait plus. Big Blue. Big Red et. Big Blue, comme le film de Luc Besson. Big Blue. Allez, attention, spécial dédicace à Elodie. Je voudrais juste dire un truc, j'adore le synthé, si les gens qui m'écoutent aiment le synthé, qu'ils me le disent tout de suite, le grand, le l'énorme, et là c'est là où si tu me fais plaisir. Si il ça serait qui? Ça serait Johnny Cash, Johnny non Johnny Cash, ouais, ouais. Ou Héroïque. Non, Johnny Cash, tu me fais très plaisir, j'adore Johnny. Okay. Cash. Johnny. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all. Et juste après notre Johnny Cash national, je dis rien pour l'instant, c'est surprise. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me calls for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Écoute, on nous écoute à Strasbourg. Je voulais juste faire une dédicace à Benny, hein, qui nous a fait un petit jeu de mots sympathique. Hein. Johnny Cash, aka Jean Liquide. Jean Liquide. Hein. Est-ce que t'as du cash? Oui, j'ai du liquide. Hein. Jean Pognon. Tous les jeux de mots sont les bienvenus, bien sûr. Et je vous rappelle que dans 20 secondes, à vous de transpirer, le Johnny Cash français va prendre sa guitare. C'est parti! Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade! Patchouli, Patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou ou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, enluc la tronche à la pouviasse, fils la culasse et les libards. Lula Bis, tu veux chanter sur, tu veux faire un toast sur Renault ou quoi? Ou tu le sens pas? C'est pas celle que je connais bien, celle-là. Bon. Et après, c'est une spéciale dédicace à Trambert from Layol, hein, qui m'a dit qu'on s'endormait un peu. Mais tu vas voir, tu vas t'endormir. Mais comme tu connais les paroles, ça va te réveiller un petit peu. Je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi, tu me fous les glandes. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Rocky Barjo, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qui avait fait tilt, arrête j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête sinon. Ah, notre Johnny Cash national. Oui, Renaud, hein, qui a fait un grand retour. Et c'était la BO de Marche à l'ombre. Marche à l'ombre, un film de Le Comte, non? Oh, je sais pas, oui, je crois. Allez. Est-ce que c'est pas là-dedans où il dit j'ai les dents qui poussent, tout ça? J'ai les dents qui poussent, ouais, je suis attaqué par un renard et tout, voilà. Ça. Voilà, je l'adore. Juste après, il y a un jeu. Il y a un jeu. Oui, on gagne des quoi? On gagne des pins. On gagne des pins et des acras. Et des acras. Des acras. Et c'est un jeu, oui, ouais. dans 50 secondes. D'accord. Il va falloir retrouver. Le film dont il s'agit, en fait, il y a quelqu'un qui a utilisé, c'est des Français qui ont utilisé la voix d'un film, la voix française d'un film américain, avec Charlton Heston. Je vous aide beaucoup, hein. Il est question de singes, de planètes. Attention, hey, c'est mystère. C'est mystère, question. C'est le film mystère. Non, c'est Zizi. C'est mystère. C'est le film mystère. Et donc, pour nous envoyez votre réponse à sélectionmusique@orange.fr. Sélection musique en un seul mot avec un C à la fin, @orange.fr. Je vous dis bien qu'il est question de singes et de planète. Voilà. Et je vous rappelle que dans un peu moins d'une heure, il y a le Miaou Mix qui commence avec Miaou Miaou, miaou, miaou, deux nanas magnifiques, Sunshine et je sais plus qui. Magnifique, qui vont... vraiment. Ouais, et qui vont nous passer du son. On est à la radio, tout le monde est beau de toute façon. Voilà, ouais, tout le monde est beau et tout le monde a une belle voix. Yes. Bon, maintenant il faut retrouver le jeu. Titre. Sauf Bertrand qui lui connaît la réponse, évidemment. Il est question de planète, bien sûr, et de singe. Ou pas. Ou pas. Et ceci termine mon dernier rapport avant notre mise en pilotage automatique entre les mains des ordinateurs. J'ai bordé mon équipage pour le long sommeil qui doit nous conduire jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Que de six mois. Ce qui paraît probable, en tout cas, c'est que les hommes qui nous ont fait partir sont morts depuis longtemps. Sans regret, je n'ai pas terminé ce rapport. Je ne pense pas qu'on l'ait dit avant moi, et ça n'a rien de scientifique. Mais comment expliquer ça? Vu d'ici, vous me paraîtrez très différent. J'aurais dû y penser avant. Bon, j'espère que vous avez tous trouvé de quoi il s'agissait, de quel film. Moi, je ne sais pas. Hein. Il est question de singes, de planètes, de Charlton Heston, de comment ça s'appelle, de Statue de la Liberté en sablé. Je crois que c'était la planète des singes, non? Ouais, c'est ça. Bravo à ceux qui ont gagné. Ils ont gagné des pins. Oui, on a gagné des pins. On a gagné des pins. Et maintenant. Ah, pardon. Vas-y. Too many DJs. Ghostbusters. You know? Do you remember Ghostbusters? Ah, c'est bon ça. Yeah, avec Pink. Ah, c'est un petit versus, ça. Un petit rapi là. Black Label, ça. On l'avait mis en début de semaine, mais bon. Moi, je vais être tout à fait honnête avec toi, Thomas. Vas-y, sois honnête. J'aime pas du tout cette version. Mais moi, je l'aime bien. J'aime bien ce côté travaillé entre deux morceaux qu'on essaie d'emboîter. C'est un travail. Non, parce que ce morceau, il est à l'origine très très beau. Là, je trouve qu'il a été pourri. Très très beau, le truc de répartition. Ah, moi, j'adore. Busters. Ah, je l'adore. On n'est pas d'accord. Hein. Ah non, je l'adore. Très 80, c'est le son des années 80 pour moi, hein, c'est mon enfance. Bon. Oui, je suis né en 83. Okay. Hein, je vais être bonjour avec toi, Jojo, je vais être bonjour avec toi. Oui. Je passe morceau, je comprends, Godbusters, Parker Junior, Pink, on touche pas aux légendes et tout ça. Ouais. Bon, si je te mettais une légende tout de suite après là. Ah ouais, une légende. Un morceau qui tue, j'en profite pour cutter ce qui nous arrive là, voilà. Ouais, voilà, et je te fous un putain de morceau. Allez. Yeah, yeah. Un bon hip-hop là. Qui yeah, bébé. Ouais, cousin. Next Friday, Ice Cube from NWA, baby. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. Tick, tick, boom, hit me banging down these back streets. Bumping back streets. Like an athlete, life ain't a track meet. No. It's a marathon. Fuck the cemetery that a nigga gets buried on. We be coming to the day we die. Yeah, nigga, yeah. Ask the bartender if you think we lie. But if you think we hot, nigga, think again. Cause when it's sink or swim, you got to think to win. Uh-huh. And if I drink this in, everybody know it. Cause I ain't going for it. So pray to the Lord that I don't pull out. Cuss out and bust out. Go to nigga round. Make the trigger sound. You can try to smoke an ounce to this. Well, I pronounce this shit. Baby, bounce them tits. Mama, move them hips. Baby, shake them cheeks. I got dick for days. You got ass for weeks. Yeah, yeah. Don't stop, get it, get it. That's real. Don't stop, nigga, hit it. I will. I'm gon' do it. Gon' do it. Gon' do it. Do it, do it. Uh-huh. You can do it, put your back into it. Come on. I can do it, put your ass into it. Come on. You can do it, put your back into it. Come on. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. Now all I wanna do is have fun with my loved ones. Thug ones, relatives, and my cousins. And I got them by the dozens. When they buzz on, quick to say, fuck your husband. This is for my niggas locked away. Extra love for the ones who ain't got no date. But when we get checkmate with Ice Cube the Great, as soon as I get a word, we can rush the safe. Fuck them lights in place because life is great. It don't matter if you rich and your folks ain't straight. I'm still coming with that underground gangster shit. No matter how many niggas say we ain't the shit. Don't stop, get it, get it. That's real. Don't stop, nigga, hit it. I will, I'm gon' do it. Gon' do it. Gon' do it. Do it, do it. Uh-huh. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. Put your back into it. Put your ass into it. I do hardcore rhyming, hard time grinding. Gorilla pimp hoes while the niggas wine and dining. I kinda love this thug shit, that's class in the mud shit. Pockets on flood shit, OG drip of blood shit. I don't rent, I buy shit, niggas jealous of my shit. Wonder where this young nigga get all this fly shit. While you rootin' and recruitin', nigga 6'8 hoopin'. I was in the hood shootin', plus I had the white whoopin'. I come from Pyrex bowls and oversized jars. I'm passed up stripes, I got stars and bars. No time for player, Haitian Mac, paper chasing. Kicked out the substation to the hip-hop nation. The more hits, the more bigger, with illegal way figures. Done develop the status of a. Mais Mato, tu nous gâtes, Mato. Mato, tu nous gâtes. C'est quoi ce son? C'est quoi ce son, Mato? Mato, il est bourré à la bière. Ah non, mais Mato, c'est quoi ce son, s'il te plaît? Bah, c'est la BO de Next Friday, un film oubliable. En revanche, le morceau est c'est Ice Cube, hein, le légendaire Ice Cube. On l'écoute jusqu'au bout, ce morceau-là. Bien sûr, on l'écoute jusqu'au bout. Je voulais préciser un truc. Ouais, Marche à l'ombre. C'est pas le comte, c'est Michel Blanc, c'est Régis du 14e qui nous a prévu merci, tout ça. Merci, Reg. Michel Blanc, le Big up à Reg. Big up, big up, big up, big up, le Reg. Hey, Oshman, tu nous écoutes ou quoi? Marseille a gagné hier. Non, match nul, je crois, excuse-moi. On s'en fout du foot et je veux pas que cette station devienne un truc de footeux là, on s'en branle quand même. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. You can do it, put your back into it. I can do it, put your ass into it. Put your ass into it. Tu j'imagine quand même que Elodie me demande une spéciale dédicace par texto, alors je lui ai fait la plus belle dédicace qu'on pouvait faire tout à l'heure, ça veut dire qu'elle l'a pas entendu. Ah bah tu peux la faire maintenant alors. Bah je suis malheureux quoi. Putain. Vas-y rebalance ta dédicace. Je sais pas, j'ai fait une belle dédicace à Elodie tout à l'heure dans l'élan et tout ça. Une belle musique derrière. Avec une belle musique qui s'appropriait et tout, là c'est un hip-hop, c'est un peu ça tabasse et tout ça, mais je t'en ferai une belle dédicace tout à l'heure. Maintenant on écoute Wax Taylor. Elodie. Attends, on va se le remettre. Attends, tu sais quoi, on va se le remettre parce que là je l'ai mal balancé. On n'a pas fait un bon enchaînement. On s'écoute Wax Taylor, The Forgotten Melodies. Yes, et c'est donc. C'est un mec qui s'est fait un film dans sa tête, il a récupéré des petits sons de musique et tout, il s'est fait Ouais, en plateau derrière. On a des fans qui sont là. Il y a des fans qui sont là. Je récapitule. Wax Taylor, il s'est fait une bande son imaginaire d'un film. Ouais. Imaginaire, lui aussi. Ouais. La musique, elle est bien réelle. Elle prend des petits samples de Que Sera, la chanson que chantait Doris Day dans The Man Who Knows Too Much. Ouais, l'homme qui en savait trop. Ouais, qui a été fait exprès pour ce film, quand même. Absolument. Voilà. Qui a gagné d'ailleurs un Oscar, cette chanson. Voilà. Merci, Hitchcock. Merci, Hitchcock, pour cette sublime. On s'écoutera d'ailleurs juste après la version. Vous allez écouter juste des petits Que Sera. Et après, on s'écoute la vraie version. Allez, on y va. Wax Taylor, Que Sera. The delightful piece they're going to play this evening. Been waiting for is here. I have something to tell you. Quel remix incroyable! Bah, c'est pas vraiment un remix, il a juste samplé la voix. C'est une adaptation, quoi. Petite adaptation. Et puis, on va s'écouter la version originale de Doris Day qu'elle chante à la fin du film, L'homme qui en savait trop. C'est une belle chanson parce qu'elle chante ça et puis en même temps. Pour son fils qui est retenu prisonnier, elle entend les voix de sa maman. Et la voix de sa maman, et il est complètement troublé. C'est une scène magnifique, très perverse comme Hitchcock les affectionnait. Hitchcock, tu nous gâtes. Tu nous gâtes, ouais, Mathieu, ce soir. Tu donc, nous attention, 3, 2, 1. Place at Doris Day, ladies and gentlemen. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be. Future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera. Que sera, sera, Toto. Je crois qu'il y avait une reprise française un peu monstrueuse de ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Maintenant, un hit. C'était quoi la reprise ? Je sais plus. Bon, le hit, c'est quoi ? Bah, le hit, vous allez le découvrir avec moi. Et surtout, c'est extrait de la bande-son d'un des films, en tout cas, que j'ai le préféré cette année. Que j'ai préféré, pardon. Oui. Zodiac, David Fincher. Ah. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little sometime. When you take, you gotta give. So live and let live, or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. Sweet talking, you could make it come true. I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still waters run deep, and they won't all. Ouais, elle s'appelle Lynn Anderson, elle a une voix magnifique. Elle n'a, comme elle dit dans le titre, hein, jamais promis à son amant un jardin de roses. Le criminel qui sévit dans Zodiac non plus. Le film David Fincher était très très bien. Juste après, on va s'écouter, ben, c'est marrant parce que c'est l'un des films que j'ai préféré de l'année. Et là, c'est la bande-son d'un des films que j'ai le plus détesté de l'année. C'est pas vraiment la bande-son, c'est que normalement, si tout va bien, dans quelques semaines, vous allez entendre des reprises insupportables des Beatles. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un film qui s'appelle Across the Universe qui va sortir. C'est un film sur les Beatles ? Ouais, enfin non, c'est une espèce de remake de R où les gens chantent des reprises des Beatles. Donc en gros, le personnage principal s'appelle Jude. Donc ça fait un peu Jude, hey, rentre dans ta chambre. Hey, et tout d'un coup, le mec se met à chanter Hey Jude, don't make it bad. Sa petite amie s'appelle Lucie. Lucy, I love you. Lucy in the sky with diamonds. Alors, on va s'écouter une reprise. Je chante faux, hein. Ouais, non ou pas? Ouais, je tenais mieux. Hey Jude, je refais Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Bon, maintenant, on va s'écouter la meilleure reprise qui existe, peut-être. On va se la remettre du début, hein. Ouais. La meilleure reprise qui existe des Beatles, enfin, And I Love Him, Esther Phillips. Merci Esther. C'est magnifique. C'était juste, elle l'a enregistré une seule fois pour une émission de télé aux États-Unis. Je vous laisse écouter sous ça. Moi, c'est beaucoup magnifique. Il y a Ike et Tina Turner, je le rappelle, hein, qui ont fait une superbe. Je l'ai mis tout à l'heure. Elle est belle. Bon, allez, j'ai dit la meilleure. On va dire, une des meilleures. Une des meilleures. Égalité avec Ike et Tina Turner. On laisse parler Esther Phillips. That's all I do. if you saw my love, you'd love him too. I love him. I said he gives me everything. The kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A lover like ours could never die. Near me, right on the stars that shine. Les Beatles chantaient And I Love Her, c'est normal, c'était. Ah, c'est normal, c'est... excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui parlent derrière. Je ah, peux c'est pas énorme. Et voilà, les Beatles chantaient. On dit des gros mots, alors ça y est, ça fait rire. Les Beatles chantaient. Ouais, les Beatles chantaient. Et nous, pour l'émission, putain. Donc, les Beatles chantaient And I je Love sens, Her. Je sens Thomas qui devient tout rouge, qui commence à l'énerver. Thomas, il commence à être agacé par son frère qui gueule derrière lui. Par Fanny qui dit n'importe quoi. Par Fanny qui dit n'importe quoi. Thomas est sous l'emprise du panaché. Je t'ai pas tu, les tringes. D'accord, Akil. Parle un peu moins fort, Thomas, parce que là, tu gueules. Oh putain, je comprends rien. Non, mais... Parle-moi fort, Michel Vedette. Michel, bon, je m'appelle Michel Vedette, me dit de parler plus fort. Toi, tu dis de parler de moins fort. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, parce que là, de temps en temps, t'as des pics, tu gueules. Et c'est juste pour les auditeurs, parce qu'à un moment donné, ça leur éclate les oreilles. Est-ce que tu veux que je parle avec ma voix suave? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bah, en plus, ça tombe bien, je vais te faire une dédicace, Joachim, juste après. C'est gentil. Ce morceau. Ouais. Oh, tu nous gâtes. Problème de sexe, problème de cœur. Tu me gâtes. Et c'est dans un film, j'imagine. C'est dans un film. Film en... Oui, c'est dans un film. C'est dans un film de Wes Anderson qui sort au mois de mars. Donc je me la pète un peu parce que je vois les films un peu en preview, tout ça. Et bah, c'est normal, t'es journaliste de cinéma. Donc, bah, bien sûr. En même temps, tu fais bien ton travail. Il s'appelle The Darjeeling Limited. Limited. Et ça se finit sur une chanson. Yes. Française. Oh yes. D'un mec que tu affectionnes particulièrement. Laisse-moi deviner. Oh, Joe. Je crois qu'au premier accord, tu vas reconnaître. Il a un léger strabisme. Oh, Joe Dassin. On l'aime. On l'aime. Son père était réalisateur, Jules Dassin. Jules Dassin. A signé des films noirs. Qui a fait des magnifiques. Beaux films. J'ai jamais vu. Super. Okay. Super. Des beaux films. Et je sais pas pourquoi, j'avais noté une petite phrase de Montaigne que j'ai. Oh que putain. J'ai parce que, attendez, que je raconte, je vais interviewer Sean Penn, je me la pète, lundi. La pète. Et il est fan de Montaigne. Alors j'ai retenu une phrase de. Alors je coupe de le son carrément. Je coupe, ouais, coupe le son. Allez. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Sous-entendu, chaque homme est précieux, oui. Y compris Joe. Joe, allez Joe. Hey, c'est les Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Tu sais que ça veut dire beaucoup pour moi, cette chanson. Énormément. C'était la chanson que j'écoutais dans la caisse avec mon père quand j'étais gamin. C'est beau, c'est beau. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Attends, c'est encore. hier soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, pa-la-pa-la-la. Aux Champs-Élysées, pa-la-pa-la-la. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ouais. Aux Champs-Élysées. Que vous voulez aux Champs-Élysées. Ah, c'était Joe Dassin avec Champs-Élysées. Merci Toto, parce que alors ça me fait plaisir. Spécial casse dédié, tout de suite. Eh ben, je sais pas, moi, le meilleur blockbuster de l'été n'était pas avec des vrais humains. Si, ils étaient tout jaunes. Ils étaient tout jaunes, c'était dessiné. Ouh là là. Vous pouvez nous envoyer des messages sélection musique en un seul mot avec un C à la fin avec at orange.fr, sélection musique at orange.fr. On écoute tout de suite la suite. Toto, tu nous gâtes. Johnny motherfucking gâte. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. Tiré du film L'Armée des Morts, un remake d'un film non moins culte, zombie de George Romero. Round, The Man Come the Round, Johnny Cash, c'était l'un des derniers morceaux avant sa mort, il y a à peu près deux ans, je crois. Who to blame. Johnny, man. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. c'était l'immense homme en noir, Johnny. J'ai nommé Johnny Cash. Moi, j'ai envie de dire, c'est toujours l'homme en noir. C'est toujours l'homme en noir. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Superbement interprété par Whoever Phoenix, is filthy, dans le, let le him film, be Wolf filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Je vous rappelle que vous êtes sur ma radio. Et quand vous êtes connecté sur ma radio, et bien il y a toujours du bon son. Et ce soir, le son, il nous est donné par Thomas, le matos, qui nous a fait sa sélection pour son émission. C'est quoi que t'écoutes toi au cinéma? Ou t'écoutes quoi toi au cinéma? Je sais plus le nom de l'émission. T'écoutes quoi au cinéma? T'écoutes quoi au cinéma? En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris la patience d'entendre mes morceaux. Merci à toi d'être venu. Il y a eu des voix trop fortes, des voix trop faibles. Au final, l'important, c'est ceux qui chantent les vrais, des mecs comme Johnny Cash, des gens comme Public Enemy, des gens comme Cool Nuts, comme Antipop, comme Asia Argento, comme les Troublemakers, Bill Medley qui nous ont accompagnés ce soir. Là, on va réécouter le morceau par lequel on a commencé cette émission. Where do you go to my... Yeah. Ouais. To you, man. Peter Sanders. Un film donc de Wes Anderson, je le répète, The Darjeeling Limited, pardon, qui sort au mois de mars. Ouais. Un réalisateur américain mais très francophile, comme cette chanson qui date, je crois, de 69. Et ne quittez surtout pas parce que tout de suite, on va retrouver le Miao Mix avec Sunshine et je sais plus qui. Moi, je fais juste un bisou à Trambert, à Laure, à Loïs, The Magnificent, The Marvelous Loïs, and my brother. C'est pour toi cette chanson. Like Marlena Dietrich, and you dance like Zizi Jean-Mère. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment. Off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records, and a friend of Sacha Distel, yes you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. my lovely. When you're alone in your bed, tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone takes, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside, yes you do. Voilà, on se termine sur ce morceau. Comment ça on se termine? Comment ça on se termine? Tu peux te terminer s'il te plaît? Nous nous sommes donc tous terminés sur ce morceau qui s'appelle Where Do You Go To? My Lovely. My Lonely de Peter Starstep. C'est imprononçable. Voilà. Petite dédicace à Lucie. À Lucie qui était nue, ouais, hein, il y a quelques jours chez toi. Bah oui, qui était en bas, de manière avec une petite culotte. Enfin, Lucie. Lucie qui est si ta femme de ménage. Hein, donc on va juste Lucie, préciser, si tu m'écoutes. Lucie, si tu m'écoutes, écoute, voilà. Voilà. Je... Il était toute chose. Quoi, j'étais toute chose. Voilà. Je suis toute chose d'ailleurs. Et bon, je te laisse la main, Jojo. Voilà. Merci, merci Toto pour cette émission. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Ouais. Et on va faire une petite sélection juste en attendant le Miao Mix qui va commencer d'ici une dizaine de minutes, le temps qu'elles s'installent, les petites. On était ravis d'avoir le matos. On va écouter le Miao Mix avec Sunshine et je sais plus qui. Vous êtes bien sur ma radio et je suis ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et c'est bisous, ma radio. Maman. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome, welcome. Welcome to my radio. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Quoi? J'ai acheté une chose que je voudrais consommer, et si possible avant qu'elle soit périmée. En guise de hors-d'œuvre, je vais te défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Mais avant, va falloir que tu le mérites. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. No escaping this. The mic, the big psych, the manufacturer, the architect, bringing you the art of wreck. You used to hate my clique, now you want a part of it. You coming with more hits that funk like Parliament. Compare me to another's gonna lead to an argument. The heat we fry you with.